Salut, c'est Alain Bachaud sur CKRL. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. Je donne la bande à Raoul de Paul Palabé dans la joie et la santé. Je fais la cour à des murs. T'étais pas Dance avec Radio. Merci, merci. Personne n'a rien compris de ce qu'on a entendu. Vous avez entendu de la musique. Vous avez entendu de la zizique. On a meublé cet espace sonore de 9 minutes 58 de prouesse musicale. Musicale, effectivement. Ôtez-vous de l'urbanité. Les branleurs de nuit. Les suceuses de jour. Les revendeurs de cauchemars, les consommatrices d'illusions, les éplucheurs de cœur et les rêveuses de Walt Disney. Cessez la superficialité et commençons ce soir à construire des pistes humanistes. Oh monsieur, des pistes humanistes, des pistes humanistes, des pistes humanistes, ouais, ouais, ouais, des pistes humanistes, des pistes humanistes, des pistes humanistes, ouais, ouais, ouais. C'est la mère de Michel. La mère Michel. C'est la mère, c'est mi, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Un chat de Rouyn-Noranda. Un Rouyn, qui demande à sa fenêtre. C'est qui lui rendra. Et le père de Stugru qui lui a répondu « Hey, attention, avec la mère Michel, votre chat n'est pas perdu! Oh non, sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, tralala! Ah. » On dirait que la console, c'est pas la console, c'est ta voix. Oh, ma voix. Ma voix, je n'en ai qu'une et je la veux. Garde-les, personne n'en veut. Là, ici, maintenant, en tribune, t'es méchant. Je suis très méchant, moi. Regarde, je suis conscient de l'inconscience du monde. Toi, t'es-tu conscient? Pas vraiment. Pas vraiment. Et vous? Là, ici, maintenant, c'est quoi? C'est une chanson qui veut dire tout. Qui veut dire tout? Ah, ça, c'est une toux. Une vraie toux. Ça dit tout, ça dit tout. Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ah, t'es-tu conscient? Ah, je suis très conscient, moi, là. Je suis conscient que plus rien ne va, que l'anarchie est prise dans la place, dans le secteur de la 3e avenue et de la 4e rue. Ah, c'est pas vrai, ben oui! C'est pour ça que tu arbores un gaminet extrémiste, oui, monsieur. C'est tellement extrême que j'ai planté mon visage là-dessus. Ah, c'est pas planté, c'est collé. C'est accolé, apposé. Racoleuse, ma racoleuse, oui. Ma racoleuse, ma douce baby. En attendant, je regarde le firmament. Pourquoi donc as-tu séché mon cœur? Ça, là, dans les chansons western, pourquoi donc as-tu séché mon cœur? Prenez ça en note, là, les auteurs de western. Placez ça dans votre chanson. Et appelez ça chanson surrénaliste. Là, ici, pourquoi? Ben parce que c'est Rénal qui parle, Rénald. Rénald le Baboron. Ah, oh, pas le Rénal le Baboron. Le Baboron, très heureux. Très heureux d'être Barboron. Eh ouais, monsieur. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hey, ça, c'est pas un Buck, ça, non, ça, c'est un... C'est ça. C'est un tam-tam 70. Revisité, reconstitué, refait de toutes pièces par les miracles de la technologie. Alors arrête de brasser, trouve un nom. Ben oui, mais j'étais comme hypnotisé par le son. Arrête de t'hypnotiser toi-même, je m'auto-hypnotise. Ah, il y en a deux, on va prendre un. Ah non, il y en a un, il est long. Arrête de te vanter. Non, la feuille, ok. Je pensais que tu te prenais pour Pierre Lalonde. Ah non, moi la courte. Bon, le titre, on dira pas le titre. La semaine dernière, on s'est gouré. On s'est bourré, on s'est bourré, gouré, touré, mouré, louré, souré, bourré, ouais, ouais, La première phrase du début du nouvelle de Sobukowski, c'est « Le bar venait de fermer, il devait encore rentrer à pied ». Ben oui, ça c'est classique, pourquoi? Parce que t'arrives pas à compter, à regarder ta montre. Et surtout de revenir pour la dernière autobus. La dernière autobus, c'est quelle heure? C'est 1h15, 1h20. Au pire, 1h22 quand le chauffeur est bien bourré. Bon, ben tu souhaites souvent qu'il soit bourré. Ah, je souhaite souvent je souhaite souvent. Alors, est-ce qu'il l'est? Il l'est pas régulièrement, non. Pourtant, je lui amène régulièrement des babas au rhum. Ouais, mais là, c'est parce que c'est deux larmes de rhum. Ben ouais, mais là, ben moi, j'en rajoute, hein. Je fais un petit trou dedans, là. Ben ouais, donc, un beau 40 onces de rhum. Dans un baba au rhum, tu mets 40 onces de rhum dans une petite boule. Ben ouais, mais dans les petites boules, les meilleurs ongles, hein. Oh! Dans les petites boules, les meilleurs ongles. En attendant, je mange mon baba. Les babas, je sais pas, c'est ça. Hey, ça, c'est du chaman, chaman. Chama, j'ai déchiré mal. C'est ça. Moi, là, après une heure, là, je suis comme envoûté. Il y a des esprits qui me disent, reste, colle dans le bar. La belle fille va arriver. Tu t'en iras avec. Elle aura une voiture. Elle sera comme toi bourrée. Mais pour se relaxer, elle restera dans sa bagnole. Ouais, mais c'est pas un bon exemple. Ben non, mais il y a jamais de bon exemple. Mais monsieur de connaître, le monsieur est là pour dire, il faut pas faire ça. Il faut rester solennellement. Comment? Solennellement. Il faut rester. Et est-ce qu'il reste? Il reste. Fait que moi, j'attends au bord, hein. Là, je me dis, il va en arriver une belle. Ben, il en est arrivé une belle, j'ai renversé ma bière. Tu parles d'une belle gaffe, toi? Fait que là, le barman était en... Il me regarde avec ses yeux de revolver, comme disait Dalavoine. C'est la Balavoine. J'ai le cœur de revolver, j'ai des mots d'amour. Non, c'est pas ça, c'est comme un balavoine. La bavoine. En tout cas, la ouane. C'est-tu de la ouane ou c'est pas de la ouane? C'est du blé d'entier. J'espère qu'il n'y a pas ma colle. Ça colle au palais, ce blé-là. Ben oui. Ça coûte cher. Ah, ça coûte beaucoup de blé. De blé entier. Oh, c'est... Fait que là, 1h20. Moi, l'heure recule, moi. 1h15. 1h10, ça n'arrive pas, moi. Qui? Mon halluciné. C'est pas une hallucinée, c'est une dulcinée. Ben, une dulcinée, hallucinée. Pour me voir et me trouver beau, faut être halluciné. Ça, vous avez raison. Alors donc, je pleure les larmes de mon corps, et pour en diluer avec ma bière, j'avais tout traversé sous le comptoir, puis là, le barman me regarde avec ses yeux revolver. Arrête de chanter, tu vas perdre ton fil! Même sans ça, je perds le fil. Ben oui, ça c'est classique. Ouais, t'es conscient. Je suis très conscient que je perds le fil, moi. Est-ce que c'est normal? Tout est normal dans la normalité. Moi, je suis pas certain. Moi, je suis très certain. Bon, ben, dis-moi donc, mon petit champion numéro 1. Oui. Si l'autobus arrête aussitôt, c'est pourquoi? Ben, c'est pour payer moins de chauffeurs. Ah. Il devrait avoir 24 heures sur 24 un circuit intégré dans la ville qui pourrait monter dans tous les quartiers, hein, je sais pas, aux heures, hein, monte à descend, hein, monte aux... Ça coûterait pas cher, un chauffeur de taxi, comment c'est payé, ça, un chauffeur de taxi? Pas un taxi, un chauffeur d'autobus! Ben, il prendra un taxi! Ouais. L'émission est commanditée par les taxis. Attends pas, il est là. Pouet, pouet! Eh, monsieur, hein, on arrive, Jean-Marc, on arrive. Ça, c'est mon chauffeur de taxi privé, ça. Pouet, pouet, on arrive! Hey, ça, c'est un pouet-pouet. Pouet-pouet, on arrive! Attends, relax, là! Hey, bon, ben, je vais retrouver, au revoir. Jean-Marc, au revoir. Lucien, au revoir. Pouet-pouet! Hey, tabarnak! Hey, l'autobus, ça fait pas pouet-pouet, ça. C'est toi qui colle devant l'arrêt d'autobus. Si c'est pas là, tu t'embarques pas. Puis si t'embarques pas, ben, t'es pas reconduit. Et comme disait Félix Boisclair... Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Moi, ça a voyagé, moi, là, du Népal au Nebraska, en passant par le Colomono, la mono. J'ai eu la mono, moi, quand j'avais 17 ans. Ah, j'ai resté quand même avec le cerveau congestionné. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Bukowski? Ben, il dit qu'il voulait que je quitte avant la dernière autobus. Puis? Ben, l'autobus n'est jamais passé. Alors, il était 3h15. J'ai attendu l'autobus de 6h15. Oh! Fait que pendant que je comptais les voitures qui passaient devant mon pouce, tu faisais de l'autospop. C'est très populaire, l'autospop. Tellement pop que personne t'arrête. Ben oui, mais vous aviez l'air déjà là. Ouais, c'est ça. Dis-donc que j'ai l'air abréché. Très abréché. Très abréché au passé composé. Non, décomposé. Ah, bon, moi, j'étais pas simplement décomposé. J'avais les lunettes à terre, le sac à dos en l'air, les pieds en bas, la tête en bas. Je me reconnaissais même plus. Oh, t'étais comme Dolores. Comme Dolores. La douloureuse. Tu la connais, celle-là? Ben oui. Et qui connaît pas Dolores? Vas-y, mon Robert. On va t'enchaîner avec ça, c'est merveilleux. Dolores, ma douloureuse! Hey, mais là, on n'a pas la phrase de Bukowski, on reviendra avec ça, c'est pas important. Oh, c'est jamais important avec toi. Non, on y va. Ah ouais, moi, hey, Robert! Non! Dolores, au toi, ma douloureuse! On perdit à Chibougamo! Au dolo! Oh, Dolores, au toi, ma douloureuse! Oh yeah! Perdu! Speedball! Dans le Colorado! Colorado! Tout nu! Moi tout nu! Dans ce dépado! Oh, c'est même trop d'eau! Oh, c'est trop d'eau! Je lève ton dos! Oh, dans ma tonne d'abdos! Je lève ton dos! Oh, wow, wow, wow, wow, wow! Oh, Colores! Oh, toi, ma douloureuse! Et tu, tout nu, Speedball! Dans le Colorado! Non, non, non, non, non, non! Tout nu! Tout nu, tout nu! Dans ce dépado! Dans ce dépado! Je lève ton dos! Je lève ton dos! Je lève ton dos! T'en as eu? Oh, j'en ai pas eu. Oh, salut! Un Studebaker, un Monarch, un Pontiac, un Buick, Dinosaur. Attention! Une Mercedes, une Jaguar, une Peugeot, une Alfa Romeo. T'as un vélo, toi! Qui roule sur tes roues! Elle était bleu poudre. C'est laid, ces chars-là. Ah, c'est ça. Vous savez la différence qu'il y a entre le Parti conservateur canadien et une Skoda? Non. Allez-y. Skoda, ça a 4 sièges. Oh, moi, j'en ai j'ai eu un H métropolitain, deux petits bébés Austin, un beau Lincoln 55 banane avec le dash rose nanane. Qu'est-ce que j'ai eu à boire de ça? Un Edsel 57 rouge et blanc à toiture. Ça, ça fait dur, mon petit gars. Un beau Oldsmobile Coplus. C'est bien fait, ces chars-là. On s'en intéresse. Pas des gamins me passer à travers, j'ai été obligé de le jeter. Hey, un bon 4x4 pour passer l'hiver. Ça, c'est dur à battre. Surtout à Montréal. Mais mon plus beau, mon plus swell, mon plus prime, mon plus propre. Va te dire un catoué. Va pas voir des 100 personnes, ok? J'ai récraché. C'est un beau Cadillac Eldorado de l'année. Puis c'est avec ça que je me suis fait poigner. Sur l'autoroute télé, dans un beau char volé, Dolores. Autrement douloureuse. Petit tout du Space Town à Chibougamo. L'hiver, frais blanc comme un lavabo. Frais des blancs, dans ce monde. Frais des blancs, c'est pas un cadeau. Oh non, c'est pas un cadeau, attention. Oh, Dolores, Dolores. Oh, toi, ma douloureuse. Oh, la douloureuse, Dolores. Petit tout du Space Town à Chibougamo. L'hiver, frais des blancs comme un lavabo. Frais des blancs, dans ce monde. Frais des blancs, frais des blancs, c'est pas un cadeau. Oh, c'est pas un cadeau, oh non, non, non. J'ai eu toutes sortes de cadeaux. Oh, oh, oh. Une poupée gonflable. J'ai eu des patins à roulettes, oh. Des patins à glace, des patins à deux lames, des patins à quatre lames. J'ai eu une traîne sauvage, j'ai eu un traîneau, j'ai eu une toboggan, j'ai eu un habit de Zorro. Une flashlight pour voir en dessous de l'eau. Qu'est-ce que j'ai eu à bord de ça? Un mouchoir, un carton de cigarettes, une cravate, des bas, une boîte de chocolat. Des boîtes? Un disque d'Elvis. Oh. Un disque de Félix. Un jeu de mécano. Un jeu de mini-bricks. Ah oui, j'ai eu des oreilles en poêle comme Gaston Lagaffe. Ça, c'est pratique en février, ça. Surtout à Montréal. Ah oui. Si j'ai eu un... Oh, j'ai... Mais mon plus beau cadeau. On va te dire un cadeau, ok? Vas-y. Va pas compter ça, pas ça. On va s'en découdre, hein? Je vais recracher. Ouais, je vais recracher. C'est un beau foulard rayé. Caravane tricotée, juste pour moi. Quand on s'est fait baigner. Dans ma Toronado, les yeux pleins d'eau, j'écoute la radio, je frappe un de soto, je grimpe d'un poteau, oh mon Dolores. Hey, il était contracté. Oh mon Dieu. Les oiseaux. Oui. les oiseaux de René Simard. Ou l'oiseau de René Simard. Ou la trompette. J'ai plus de voix, moi, là. À mon âge, je suis pas fier de faire autant d'extravagance. Mais la phrase de Charles Bukowski, parce qu'on a débuté avec une nullité qui s'intitulait « Le bar venait de fermer, il devait encore rentrer à pied ». Et le titre de cette nouvelle, c'était « La sirène baiseuse de Venise ». Oh, de Californie! La Venise de Californie! Oh, la chanson de... Comment il s'appelle, donc? Julien Boisclair. Boisclair, il voyait pas clair, lui, là. Il avait de la misère. Ses lunettes, là, m'a vous dire que c'était des doubles foyers, puis l'été, il avait chaud avec ça. Il mettait des bûches, puis il arrivait même pas. La lunette, il fondait. Il allait chez l'oculé. Le spécialiste de la vision, puis il disait, hey, je sais pas comment ça, là, je mets de la bûche, puis ça fond. Mais là, il disait, mais regarde, mettez-y pas de bûche dessus, là, ça devrait se faire automatiquement. Ces lunettes-là, là, fondamentalement, là, ça devrait chauffer. Ben non, c'est des foyers, c'est pas des foyers comme votre foyer. Ben regarde, c'est des foyers, c'est pas des foyers. C'est-tu des foyers ou c'est pas des foyers? Ben là... Retournez dans votre foyer, vous. Mais là, comment ça, ça, c'est pas à l'épreuve du feu? Ben non, c'est des lunettes! Tu vois pas clair, mon bois clair? Non, on voit pas clair, moi, j'ai jamais vu clair là-dedans. Moi, je suis pas un voyeur, moi, puis un voyant, puis à 4,98 la minute, là, comment ça coûte, là? On vous dit un instant, je vous prie, on va regarder ça ensemble, puis là, ils te font poireter 5 minutes, puis te dire, oui, qu'est-ce que vous voulez, puis là, ça raccroche, ça t'a coûté déjà 60$, t'as même pas par la voyante. Ah, j'ai bien vu, moi, que c'était de l'arnaque là-dedans, là. On m'aura plus avec ça. On m'aura plus, puis personne ne devrait se faire avoir. Mais les gens ont besoin de savoir des choses. Appelez-moi, je vais vous en dire des affaires, moi. J'ai rencontré bien des belles dans tous les pays. De Tarascon à Bruxelles, de Nantes à Nancy. Mais celle que je préfère à tous ces trésors d'un amour vraiment sincère, c'est ma petite blonde du Nord. Elle s'appelle Françoise, c'est une lilloise. Elle parle d'allemand, elle dit mi pour moi, li pour lui, ti pour toi. Son accent m'affole, je vous donne ma parole, qu'elle fait tout ce qu'elle veut de moi, ma foi, avec son patois. À vouloir parler comme elle, je me dégourdis. Pour bouteille, je dis boutelle, pour toujours tout dire. Mais ce qui me désespère, c'est mon embarras. C'est me prononcer les serres, RRRRRR, je ne peux pas. Elle s'appelle Françoise, c'est une lilloise. Elle parle drôlement, elle dit mi pour moi, li pour lui, li pour toi. Son accent m'affole, je vous donne ma parole, qu'elle fait tout ce qu'elle veut de moi, ma foi, avec son patois. Quand nous passâmes devant le maire, elle fit oui, je fis ouais. 9 mois après j'étais père, c'est tout ma portrait. C'est C'est une charmante petite fille. Je l'aime éperdument. Elle est belle, elle est gentille. Et tout comme ce maman. Elle s'appelle Françoise. C'est une Lilloise. Elle parle drôlement, elle dit mi pour moi. Son accent m'affole, je vous donne ma parole, qu'elle fait tout ce qu'elle veut de moi, ma foi, avec son patois, avec son patois. T'as eu des difficultés? Elle a rencontré une vieille tante que de bord je l'ai achetée. Comment elle s'appelle? Rose, Rose Marie. C'est un bon prospect. Lâche-la pas, ça fait trois fois qu'elle essaye de se sauver. Oui. Allez, vas-y. J'avais exigé 5 chambres avec bain, radio, tapis, tout le confort moderne. J'ai lu votre télégramme. La chambre numéro 4 a même pas de toilette. Une erreur de plomberie, monsieur Desmond. Allez me chercher le gérant. Ben, c'est moi le gérant. Mais les chambres seront modifiées pour Noël, je vous le promets. Après Noël, c'est trop tard. C'est chanceux que j'ai 2 européennes dans le groupe. Je pense que tu te parfumes pas non plus. Non. Sais-tu ce que c'est que du rouge à lèvres? Non. Souhaitez. T'as tard de me répondre sur ce temps-là, tu sais. Je suis pas méchante, moi. C'est au deuxième, en haut. Je vous ai fait arranger un petit salon exprès pour vous autres. Oh, pour Noël, ça va tout être arrangé, ça. Il va y avoir des boules. On reste 3 jours. Une chambre numéro 3, je n'en veux pas. Oh, c'est extraordinaire, ça me rappelle les grands hôtels Brigitte, à Paris, vous savez. Brigitte, toi la polonaise. Vous avez une chambre de style européen, au fond, là-bas. Okay. Betty, Ellen, le 5 dans le corridor. Merci. Dis-moi, dis-moi combien tu coûtes, combien faut-il pour que je goûte à tes talents, tes baisers. Dis-moi, dis-moi si ça te chante que je te prenne par les hanches, une jambe de chaque côté. Viens jouir avec moi, je ne te mangerai pas, peut-être pas cette fois. Dis-moi, dis-moi combien tu prends pour la. Peut-être bien les deux côtés. Je sais, je deviens dépendant. Mais me passer mon passe-temps à 5 ans, je le pourrais. Viens jouir avec moi, je ne te mangerai pas, peut-être pas cette fois. Cette fois. Parce que j'allais travailler, m'acheter des exportés. Moi, je pense que j'allais à Calgary juste pour travailler. Y'a rien de là de l'ouvrage en masse, mais trouve-toi une place à rester. Y'a des belles appartements, y'en a d'autres qui ressemblent des quins. Y'a rien là, plus dans 6 mois, j'marie une belle trentaine. Ouais, j'pense que j'vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être m'aider de mourir. J'pense que j'vais descendre dans le sud, là-bas jusqu'à Moncton. aller à l'université pour me chercher du fun. Y'a rien là que déjà été, j'connais bien le chemin. C'est rien que des maudits Québécois qui se pensent acadiens. Ah, j'pense que j'vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être bien des Rotman. J'ai des chums qui restent pas loin d'ici, dans le bout de Tracadie. Pour le premier gros job, eux autres connaissent la vie. Les femmes sont smart, pis sont belles, j'pense qu'ils sont fortes. Y'a l'eau magasin avec le cœur, pis faut qu'ils barrent les portes. Bah, j'pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être ben des marques 10.